Est-ce que tout le monde est chaud? Joule, pas joule, ça fait quand même des manies. J'enchaîne de buzz, moi, je te réanime. Le bon matin, elle me rend fou, elle fait sa manie. Parce que j'ai fait tomber la beuh partout dans la mezzanine. 4h du mat, mon sang, j'ai les canines. Plus à boire, plus de feuilles, j'ai la flemme d'aller à la ligne. J'ai mon sang toujours d'arrêter quand je le vois trop pillable. Défoncé, j'envoie, je t'aime à ma poupilla. Je l'emmène au bord de mer manger des coquillages. En fumée, j'ai jeté le cross sur le grill. Fier de moi, toute ma vie j'serai son bébé. T'es pris en face de moi, qu'est-ce que tu fais là en train de traîner? Hier t'es vu à la télé, fais-moi une délire pour mon neveu. Il prend fêlé, tous les jours j'me tire les cheveux. Passe un petit but là-haut, j'oublie tout, j'vis de la vodka. Pendant que tu joues le Pablo, tu te fais sans loca. Passe un petit but là-haut, j'oublie tout, j'vis de la vodka. Pendant que tu joues le Pablo, top tu te fais sans loca. Avec Maria, c'est la guérilla, peu de Galia. Connais-moi Nia, j'pense la famille, j'fais pas le Mia. Avec Maria, c'est la guérilla, peu de Galia. Tu me connais moi Nia, j'pense la famille, j'fais pas le Mia. J'étais à sec, à pied dans la zone, dans la plaque, j'rentre à quartier. J'ai plus trop de potes, plus de collègues, moi mon corps a cassé. Je galère seul, mais c'est pas grave, après faudra pas passer. Poto, j'peux pas passer, en garde à vie m'ont placé. Ils m'ont pris ma Casio, ils m'ont pris mes lacets. Ils m'ont pris ma Casio. On m'a passé une olive à moi, mes dias, je l'ai fumé à casa. Me raconte pas ta vie dans ma tête, c'est le bazar. T'as tout fait pour que ça t'arrive, c'est pas le hasard. Si t'avais pas le cœur noir, toi t'arriverais pas ça. Merci la zone.